veux pas te coucher. T'étais déjà en train de rêver. Les yeux ouverts, les yeux fermés, ça changerait quoi de s'allonger? T'as sommeil, tu vas pas te coucher, la maison s'est enfin calmée. C'est bon de prendre le temps de souffler, loin des enfants, en silence. Va dire deux mots à ta guitare, pour pas qu'elle pense que tu l'aimes plus. Va dire que le chanteur est pas mort, et malgré tout, il continue. sont arrivés avec des miroirs pleins des mains. Ils nous ont dit de regarder les 10 000 faces du divin. La nuit s'installe et tu te calmes. Place au silence pour tout dire. Tout dire. La fatigue étire ses charmes. Le rêveur pousse son délire. Thank you.